Je me souviens de mon enfance. Ma mère de cette when I heard un jour. Je me souviens de cette joie immense. C'était un efficunaus attendions tous. Ils parlaient dans tout le quartier. Ils parlaient de nous comme on parle de roi. Je me voyais en princesse dans de grand cieto. Papa nous attendait de jail pass. Oh ma douce France, tu es belle dans mon miroir. Dis-moi, ma douce France, si tu m'aimes en retour, autant que moi. Dans ta grande sagesse, mes amours valus comme votre propre, m'ici. Ma pauvre les traces, dites amours, dites amants. Je me souviens du quail part en province. J'apprenais la violique et camis, avec Camille, Paulo et Florence. Mais il y avait aussi Marine asterisk. Elle parlait d'une France aussi herbe. Et parfois Marianne asterisk asterisk la croyait à me. Bien que Marine n'aide pas Chang Davis, Marianne estate devenue ma meilleure amie. Ma douce France per chala. Tu es belle dans mon miroir. Dis-moi, ma douce France, si tu m'aimes en retour, autant que moi. Dans ta grande sagesse, mes amours valus comme votre propre, m'ici. Ma pauvre les traces, dites amours, dites amants. Je, ma douce France, de Montmartre Notre Dame. Cette lumière sont mon point d'référence, c'est la Bastille que je préfère. Dis-moi, ma douce France, mes amours valus comme votre propre, m'ici. Mon accent garde les traces, dites amours, dites amants.